Yo, salut, bonsoir, il est minuit et demi, c'est Radio An. Merci à Coup d'État, à Jérémy et Brendan pour ce bon moment et on aime bien ta track. On attend la suite impatiemment, So Glove. Oups, Jérémy. Bon. sinon, cette émission sera macho parce que on est deux garçons, pour une fois il n'y a pas de filles, c'est terrible, mais c'est vraiment tant mieux. Tu es plus qu'heureux de d'être. Ah mais j'adore passer ma soirée avec toi, c'est très bien. Ça va finir bizarrement, je pense. Tu vas mettre un truc qui s'appelle grand ville. J'ai jamais entendu ce truc. Ensuite on va lire, j'ai un texte qui est dédié à Sophie. Elle n'est pas là et pourtant il y a des garçons qui pensent à elle en se masturbant. Vous entendrez ça dans quelques instants. Il y aura un texte, il y aura quelques textes, il y aura Régine qui viendra nous parler de ses expériences nocturnes, moi qui parlerai de mes expériences métropolitaines aussi, et qu'est-ce qui se passera encore, plein de trucs. Et beaucoup de musique difficile, mais je sais pas pourquoi, j'ai pris que de la musique un peu inaccessible ce soir, mais alors que tout le monde dit tout le temps, c'est cool ce que vous passez comme musique, et là pour une fois les gens vont dire, mais c'est insupportable. On écoute Grandville tout de suite, et après, nous aurons la chance de découvrir un type qui s'appelle Gonzo Beirut. Le nom fait. Je suis un retour. Derek, qu'est-ce que tu nous ponds là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais, je me suis fait des ennemis à supporter ce petit groupe de camp qui a l'air d'être mal aimé. Et au final, moi je suis fan en fait. Ce petit délire de chanson toute niée avec la petite voix française, un peu, beaucoup à la Cœur de Pirate. Et voilà, j'aime pas Cœur de Pirate et j'aime pas l'esprit à la fin rock un peu bébé brunesque sur les lèvres. Voilà, bon, on a chacun nos défauts et j'ai attendu la 6ème émission pour vous montrer mon côté caché. C'est clair, inavouable. Inavouable, voilà, tu voulais des histoires inavouables pour l'émission, bon bah. Non, après on va devoir dire des trucs inavouables, peut-être que c'est le moment en fait. Peut-être que oui. C'est maintenant. Je suis fan de Philippe Risoli. Non, mais on est une émission quoi? Une émission indérotique. Ah, alors. Tu nous as parlé de musique, Philippe... et maintenant parle-nous de sexe, mec. Philippe Risoli nu dans son main. Non, alors. Inavouable. Dans ton main. On pense à Philippe Risoli. Avec son micro. En inavouable, tu veux du dossier. Ce qui est chiant, c'est que là, on est que les deux mecs de la soirée. Ça fait la soirée super hyper macho. Enfin, donc les auditeurs qui vont nous rejoindre sur radioan.fr et ceux qui nous écoutent sur RCV vont être. Un peu blasé d'avoir que des mecs qui vont parler de cul. Et ouais, bon, y a de quoi comme flipper. Quoi, même la Barbie là, qui habituellement nous fait peur, enfin me fait peur, simplement, oui. N'a même pas voulu venir ce soir. Non. Enfin, n'a pas pu venir ce soir. Oui, un empêchement. Et j'aimerais dire que, bon, vous qui pensez peut-être deux garçons, c'est habituel, deux garçons qui parlent de cul, les garçons parlent tout le temps de cul, j'aimerais souligner quelque chose. Récemment à Lille, tout près de République, je sors du métro, là je marche, je passe à côté de deux filles, une grande blonde avec des fesses assez incroyables. Elle se reconnaîtra. Et là, je passe devant, enfin je les double en gros, et là, j'entends la blonde dire à sa pote, attends, faut que je me souvienne exactement, et toi t'as... Non, ouais, c'est ça, c'était la phrase, c'était, depuis quand t'as paniqué toi? Mais j'ai entendu ça, je me suis retourné, je leur ai juste dit c'est génial, je vous adore. Et après je leur ai dit je sais comment vous êtes les filles, et elles m'ont dit ouais, vous aussi les garçons, tout ça, et puis je suis parti quoi. Mais... T'as pas pensé à les inviter ce soir? Bah non, j'ai douzé. J'aurais dû au moins leur parler de l'émission, leur dire d'écouter, mais... D'ailleurs c'est peut-être l'occasion de faire un appel aux auditeurs, c'est que toute personne susceptible à vouloir venir participer ne serait-ce qu'une fois à l'émission, ça peut être la petite aventure. Et la bienvenue, elle peut venir à minuit 20 devant RCV. Voilà. Minuit 20 devant RCV dans deux semaines, si t'as envie de passer à la radio, de raconter tes histoires de cul. Ça va être le rencard le plus improbable du monde. Mais c'est vrai qu'en venant ici à vélo, je me suis dit putain. Ça peut être cool de rencontrer des. Ça aurait pu être cool de genre, rencontrer des filles sur la route et de leur dire venez et de les emmener. L'autre les fois on a un croiseur partant, donc on peut se dire que ça peut se faire dans l'autre sens. Oh oui, c'est possible, c'est imaginable. Moi j'aimerais vous présenter un type merveilleux. Avant ça, peut-être on raconte notre truc inavouable. Je pensais quoi. Que tu allais l'oublier. Non mais ce que je sais que si on en parle pas maintenant, on n'en parlera jamais, c'est ça. Ok, il est temps. À toi Derek, tu commences parce que t'as écouté ton truc là un peu merdique. Donc c'est toi qui commence. Ah mais attendez, Greenville c'est quand même. C'est mignon. Voilà. Je veux qu'on leur donne leur chance, ils passeront sûrement à la cave et je ferai partie des fans à les soutenir. Et pour souligner ce choix musical, on peut dire aussi que tout le temps, au début de l'émission, en deuxième titre, c'est toi qui choisis un truc un peu mielleux. Et là t'es assuré, on peut dire que là t'as ton apogée. Et mais si ça plaît aux auditeurs, je continuerai sur cette voie et je promets de m'entretenir de mieux en mieux dans cette catégorie musicale. Si toi tu aimes ce qu'il a passé, tu viens dans deux semaines à minuit 20 avec une pancarte devant RCV. Le mot de passe sera Charlie ou Derek à l'entrée. Ouais, Derex. Derex, oui je découvre ça pour toi. C'est pas mal comme ça. C'est assez mignon. Derex. Hein. Alors attends, tu veux du dossier. Alors le truc c'est qu'il faut que je te sorte ça en plus, que je voulais pas faire ça préparé, je voulais vraiment que ça vienne du cœur. Et je me suis dit qu'il y a un truc, je crois que j'ai jamais balancé. Allez, donc là, c'est là le du jour. J'ai réfléchi à pas si longtemps à comment j'ai découvert ma sexualité, si ma mère m'écoute. Et je me rends compte qu'en fait, je vais être super jeune, hein. je sais même pas ce que je faisais, je crois finalement. Oh, la musique s'est arrêtée, je crois que tu pourras la lancer discrètement. Les auditeurs, ne vous occupez pas de ça, c'est à dire. Mais peut-être l'autre son. Je sais, il y a une petite coupure son, mais ça non, fera mais un essaie pas de détourner le sujet, non, tu vas nous raconter ton truc que t'as pas envie de raconter. Je vous promets, c'est juste que je suis en train de réfléchir comment lancer la chose. Je devais avoir à tout casser 6 ans, donc c'est encore une période où t'es en pleine découverte de ton corps, tu découvres des fois des érections bizarres sans savoir ce que c'est. Ah non, non, je veux juste lancer la chose, je vais pas... Et je me suis rendu compte, après mûre réflexion et parfois avec des flashbacks, que je crois que j'ai découvert la sexualité, du moins l'anatomie féminine sur ma cousine qui avait le même âge que moi à l'époque, lors de nos siestes en vacances. Et je crois avoir de mémoire limite eu les mains baladeuses dans la culotte avec ma cousine qui d'ailleurs maintenant je l'ai plus vue depuis très longtemps. Alors ça peut paraître Barbie, je dirais c'est normal, je fais encore ça avec tous les week-ends avec mes cousins. Et j'ai vraiment envie d'avoir des remarques de ça, c'est est-ce que à ce niveau-là c'est honteux, c'est l'inceste ou... J'aimerais te dire, t'avais quel âge? Ah, 6-7 ans, mais j'ai découvert des choses. J'aimerais te dire que tout le monde fait ça avec ses cousins et ses cousines, oui, à 6-7 ans. C'est juste normal, Freud aurait trouvé ça particulièrement normal. Et on découvre son corps, les plaisirs. Je trouvais pas ça excitant à l'époque, je trouve ça super intéressant. Je sais que les siestes étaient les bienvenues à l'époque. C'était pour les vacances de juillet, j'avais hâte d'être à la sieste en fait. Et c'était les découvertes dans une chambre un peu... ni éclairé juste par la lueur du soleil à travers les volets à moitié fermés. Et c'est là qu'on se rend compte quand même que le sexe, c'est quelque chose de purement naturel. Voilà, c'est l'instinct qui revient, on a 6-7 ans, on comprend pas trop ce qu'on fait. Parce que moi je fais partie. Enfin, on fait partie de la génération qui a découvert le porno, mais à 6-7 ans, on n'était pas autant baigné en sexe que les jeunes maintenant. Donc je pense que, enfin pour ma part, je me rappelle pas avoir découvert des nichons. Non, moi, c'est mon père, il changeait tout le temps dès qu'il y avait des nichons à la télé. On a une très bonne éducation chrétienne. Tout à fait. Enfin, moi c'était musulmane. Musulmano-chrétienne, quoi. C'est super. C'est multiculturel en radio. Ouais. Et moi j'aimerais dire que mon truc inavouable est quand même moins naturel que le tien. Freud m'aurait tapé sur les doigts, je pense, si je lui avais dit ce genre de truc. Mais en fait, moi, ça parlait de cinéma. Parce que, justement, j'ai raconté à une très bonne amie, Violette, qui sera là dans 2 semaines. Je lui ai raconté tout. Enfin, on s'est raconté des trucs et je lui ai dit, ouais, bon, mon truc inavouable, donc je suis obligé de le lâcher parce que c'était ça. Sur le coup, c'est à ça que j'ai pensé. C'est qu'en fait, quand j'étais adolescent et à la fin de mon adolescence, on va dire adolescent post-pubère, j'allais souvent au cinéma pour me faire sucer, en fait. Et c'est marrant, quoi, ça m'est arrivé genre 7-8 fois. C'est quand même assez ouf quand tu y penses. Bah moi je m'en veux d'avoir été en dessiné qu'avec des copains, quoi. Bah voilà, moi j'allais tout le temps avec des filles. Le nombre de films que j'ai vus sans voir, en fait. Parce que bah tu le voyais plus qu'elle pour tout, pour le coup. Ouais. Non. C'est pas... Ouais non, c'est vrai, c'est vrai, clairement. Et le summum de cette aventure inavouable, c'était je suis allé voir le documentaire sur Gorge Profonde au Majestic et je me suis fait sucer pendant le documentaire sur Gorge Profonde. C'est quand même pas mal au Majestic. Là je crois que... Voilà, c'était Majestic Métropole, deux bons spots pour les adolescents post-pubères pour se faire sucer. Est-ce que t'as en tête les autres films que tu as vus lorsque tu allais dans ces suçages cinématographiques? Il y avait un film libanais, je me souviens. Ah oui, donc en plus tu es cinéma d'auteur. Enfin c'est vrai, c'était tout le temps du cinéma d'auteur. Hein. Là pour être seul dans la salle. perso Kinépolis pendant Titanic. L'UGC, je pense que c'est déjà plus chaud, quoi. Pouvoir se faire pomper tranquillou, quoi. Alors en plus, est-ce que tu peux te faire virer de la salle? Oui, dois te faire virer de la salle. Tu fais choper, mais comment interviennent les vigiles en mode bon madame Ouais, la bouche. Ouais, ça craint. Bah en tout cas moi je me suis jamais fait choper et visiblement personne m'a jamais vu. En même temps si quelqu'un m'a vu, peut-être qu'il a fait style de rien, c'est possible aussi. Mais bon, voilà, c'est resté secret. Il y avait que les 7-8 filles, j'arrive même plus à savoir combien exactement. Et moi qui le savais. Bon, amour, paix et surtout fellation. On écoute... je voulais lire un truc. on a failli zapper. C'était bien pour lancer un son. Donc on va lancer un son et puis après on parle de Gonzo Beirut. Gonzo Beirut qui est un personnage hors norme. Tout de suite, Joy Wave, une vague de joie, une vague de plaisir, une vague d'amour. Un titre qui s'appelle... True Grit, comme le dernier film des frères Cohen, mais qui n'a rien à voir. Vous allez voir, c'est super cool. C'est l'avenir de la musique pop. Comme Greenville. Radio. Merci à Joy Wave d'avoir sorti un superbe EP qui s'appelle Coda Vista. Moi j'adore, je suis fan. Maintenant on passe à Gonzo B. Woods, enfin le mec que j'arrête pas de vous vendre depuis tout à l'heure, hein, comme du rêve immense. Bah, le nom on déjà fait rêver. Il m'a donné une lettre au concert de Chilzy Wolf. C'était hier soir à l'aéronef, j'étais aux anges devant la fille que j'aime de tout mon cœur. Chilzy Wolf qu'on écoute dans quelques instants juste après cette lecture, cette lettre qui est dirigée à une certaine fille, une certaine Sophie. Je la lis tout de suite. De ma fenêtre, je vois les rayons de lumière du manoir. Je n'y mettrai sûrement jamais les pieds, ou par folle curiosité. Et chez toi, je connais le code 19720, le lieu à sens unique, mais tu t'es barré. Tout le monde est barré avec toi. Tu parles de sexe, tu en parles de trop, mais cela me fait bander. Cette voix rose et le vide autour de ma queue ne sera jamais comblé par tes seins. La blondeur de tes cheveux ne se compare en rien au champ de blé que j'épure. Les grains en deviennent du chewing-gum et je soulève l'avoine blanc, noir. Le blé loge dans des sacs de grains à café du Brésil, frôlant mon poids. J'aurais pu peut-être t'aimer toute ma vie sous MDMA. Mais une autre blonde de latex partagera avec moi autre chose que mon ex. C'est vraiment con. Ton cul me manquera. Ah quand même. C'était subtil. Et pour les auditeurs, ce monsieur... Gonzo B. Woods. Par rapport à Sophie, il y a quoi comme histoire là? Il y a des petits dossiers qui doivent faire une coulée là. Bah franchement, j'en sais strictement rien quoi, mais je crois en tout. Parce que là j'ai le cul de Sophie en tête maintenant et je voudrais en savoir plus par rapport à ce Gonzo. Écoutons Sunstorm de Chilzy Wolf, peut-être que nous trouverons la réponse à l'intérieur de ce morceau. Avec plaisir. It was November. radio, oh oh, macho, oh oh, radio, oh oh, macho, oh oh, internet, forever. Vous êtes sur RCV 99 FM, ou sur internet peut-être, tout de suite, internet forever. Internet forever et la politique, est-ce que ça fait bon ménage? Ça, c'est une excellente question. Moi, j'en ai une autre de question. La question de la semaine, c'est: nos présidents sont-ils sexuels? Je crois tout à fait. Ouh, c'est vrai? Après mûre réflexion, je pense qu'on a des monstres du sexe dans notre candidat. Ouais. Moi, j'ai étudié que Cheminade. Ah mais Cheminade, c'est une énigme cet homme. Depuis hier en fait, on était au marché d'Oisem et on est tombé sur un mec qui distribuait des tracts pour Cheminade et on s'est demandé pourquoi il était là ce mec. Qu'est-ce un dimanche matin. Mais pourquoi? Pourquoi faire pourquoi ça? Pourquoi être ça engagé si mais ça juste pour jouer sur les noms, je crois que le président de An-An, ça peut être que Poutou. Parce que... Oui. Quand on écoutera devant, on aime se faire des petits poutous. C'est facile, c'est facile. Et Mélenchon, mais... parce qu'on aime les nichons. Et les minous. Et les minous. C'est merveilleux. Peut-être moins les zizi. Peut-être moins, mais parfois. Parfois, j'aime bien mon zizi. Je crois qu'ils ont, ils ont tous leur place, en fait. Y a pas vos zizi, c'est qui? On s'en recoute. Ah merde. Oh là là. Bon, il y a de la place pour tout le monde, et d'ailleurs, on va les énumérer. Oui. Bah, commençons par Cheminade du coup, alors, parce qu'on est Cheminade. Dansé sur Cheminade. Cheminade, il part un peu brut physiquement, c'est un peu une brique. Bon, c'est le plus. Sa grosse tête. C'est un des plus âgés qui approche facilement les 80 piges. Oui. Je vois bien, je vois bien le mec un peu expérimenté, mais qui serait un peu salace maintenant, vu que voilà, au bout de 80 piges, si ça fait bien le tour des choses, tu te retrouves à te retrouver te taper des minettes. 14 ans, un peu blasé. En Thaïlande, donc lui, il aura peut-être le côté un peu du touriste sexuel ouais. Avec des petits garçons. Je pense qu'il serait malsain, lui. Malsain. D'ailleurs, pour dire à quel point il est malsain, et ça, ça va de pair avec ce que tu viens de dire, j'ai entendu dire qu'il regardait Bonne Nuit les Petits quand il avait la vingtaine, en fait. Et ensuite, il allait se coucher. À 20 ans. C'est quand même peur. C'est un peu flippant quand même. Donc c'est pas. Ouais, je pense que voilà. Le mec il a pas eu d'enfance. Non, on précise que là on critique en aucun cas le politicien sur sa politique. C'est vraiment l'aura sexuelle. L'aura sexuelle. C'est, voilà, c'est le. Maintenant, on ne dénigre pas. On dénigre personne. Voilà. Chacun a sa chance, même sur Mars. Tout à fait. D'ailleurs, en plus, j'ai lu vite fait la première page du tract. Et j'avais l'impression qu'il était d'extrême gauche, le mec. Ah, c'est, bah, mais c'est bizarre, franchement, pour les élections présidentielles, voilà, c'est l'impression que j'ai. Pour pas parler de sexe, j'ai l'impression que tout le monde est d'extrême gauche, quoi. C'est... Ah, c'est, bah, c'est la mode actuellement. Ouais, ouais. C'est ouf. On attendra. On arrive à Mélenchon. Alors Mélenchon, Mélenchon. Parce que Mélenchon, tout le monde l'aime. Il y a même une fille qui a fait un clip là. Où elle mais se c'est touche, devenu le Playboy, hein. C'est le Rolling Stones de la politique française en ce moment. Hein. Enfin, le Rolling Stones, le Mick Jagger. Oui. Lui, je le vois bien avoir eu des une adolescence assez trash niveau sexe et cette calme vrai. Et cette calme avec l'âge quoi. Et c'est ouais. Dans des moments limite politiques on voit le. Il y a un peu il y a un côté sexuellement blasé je trouve. Voilà. Lui il est pour l'amour, c'est un romantique dans l'âme. Donc je suis assez d'accord, je pense que. Je saurais pas dire à quel âge, mais peut-être dans la vingtaine, tu vois, il y a eu une sexualité ultra débridée. Genre il baisait avec plein de meufs, une espèce de hippie quoi. Et puis il y allait et. Peut-être même avec des mecs et ouais, ouais là-dessus je le vois pas, je le vois pas du tout s'interdire, se mettre de limites. Ouais, se mettre mais de barrières. On a l'impression qu'il s'est calmé en mode ouais il a dû se prendre peut-être vivre une mauvaise expérience et ça se sent. Ouais. Son aura a été cassée. Soit il en a eu un peu assez et puis il a compris ouais. Que la beauté était dans les astres. ça m'étonnerait pas, Mélenchon, je t'aime. Bon. La merde, j'ai pas lancé mes choix politiques. Poutou. Poutou. Ouais, ah moi Poutou je l'aime beaucoup. Bon déjà parce que le nom pour moi me vend du rêve. Je suis genre je vais être le genre de boulet à voter pour un nom quoi. Mais lui c'est Free Hugs. c'est le mec qui sait qu'il a perdu, c'est le loser. Mais il a envie de câlin quoi. Voilà et c'est quand même mignon quoi. Donc c'est le mec. C'est le mec ouais tu le connais pas mais tu le mets en ton lit sans aucun problème quoi. C'est le genre de mec en fait qui va même coucher avec des SDF juste pour le plaisir de les avoir dans leur lit. Enfin, dans son lit plutôt. Pour être en mode je t'accueille, passe une nuit d'amour avec moi. Ouais. Lui après arriver à le distinguer sur une catégorie sexuelle c'est un peu plus compliqué. Il a le physique de Monsieur Tout le Monde. Alors qui dit Monsieur, c'est tout, monsieur monde, tout le Monde. Voilà. Peu. Donc est-ce que plutôt ce monsieur serait pas plutôt. Enfin, est-ce qu'on viserait pas dans une catégorie un peu l'éternel célibataire, le petit sentimental qui n'a pas eu de gros débauchés horribles, trash. Donc Poutou, je vois mignon, je vois avoir une adolescence amoureuse, ou limite avoir une petite préférée au collège et lycée, mais n'avoir jamais réussi à lui avouer son amour, avoir sans arrêt espéré de lui annoncer sa flamme, n'avoir jamais réussi. Donc un peu le petit romantique désespéré, Poutou. Poutou. Ensuite, on arrive. Je te laisse continuer. Ah, on a Jolie. Jolie. La Eva Jolie. Elle vend du rêve en soi parce que elle paraît assez innocente, assez simple, assez limite peut-être la candidate la plus proche des Français au niveau de son comportement et de sa simplicité. Et en même temps, je la vois bien aller dans les boîtes d'échangistes. Elle vend. Elle a de l'expérience physiquement, bon ça c'est sûr que là elle vendrait du rêve chez An. Et en même temps, elle se rapproche quand même d'une partie des Français qui a compris que l'amour s'entretient avec l'âge et que l'intensité sexuelle aussi de se travailler. Donc Eva Jolie, expérimentée, une cougar, mais qui le cache très très bien. Suivant. On passe, on va continuer à gauche, on va un peu moins à l'extrême, on se rapproche du centre, Hollande, même en fait on est quand même dans le centre parce que pour moi c'est plus de la gauche quoi, mais bon, moi Hollande. Je suis l'aspect politique. Alors le gros problème d'Hollande c'est que d'un côté on va s'amuser à reprendre toutes les caricatures qu'il a au guignol, qu'il a dans... avec les différents humoristes, donc on aurait envie de l'imaginer Puceau à 36 piges avec juste Ségolène comme unique expérience. Mais à mon avis, ce côté un peu moumou, gentillet, flambier et compagnie, c'est une couverture. Derrière, il doit être du genre très très sale. Très très salace. Donc ouais. Limite, il va pas non plus se rapprocher de Cheminade, mais... Il va pas aller au Carlton. Voilà. Qui quasiment. Sait, qui sait. Ça a été un copain de classe de Strauss-Kahn auparavant, donc pourquoi pas. Mais voilà, on les imagine bien se raconter des blagues bien salaces. Ouais, la pute unijambiste, mal. Mais d'ailleurs, il a une nouvelle meuf. Oui. Et d'ailleurs, je pense qu'il est obligé d'avoir une nouvelle meuf en fait pour se présenter. J'ai l'impression que c'est impossible de pas avoir une nouvelle meuf pour être président. Poutou, je le verrais très bien. Tu peux pas être célibataire, être président célibataire. Poutou pourrait être célibataire. Et limite, ça rendrait encore plus. Voilà, mais après, ça attirerait un peu Boys Band, un peu Nathan des Worlds Apart. Nathan. Tu ressors des choses là, qui ont illuminé notre jeunesse, notre adolescence. Les mais premières perles d'amour sur notre blanc. Les premiers doigtés des filles de notre génération ont été faits sur les Worlds Apart. Hein. C'est vrai, ne l'oublions pas. Ça, c'est mais spécial. Donc, Hollande, je crois que c'est une couverture, ce côté un peu... Enfin, cette carapace médiatique et surexagérée de ce flamby un peu moumou et compagnie. Je crois que derrière... Ségolène a dû prendre cher. C'est pas pour rien qu'ils ont eu quoi 3-4 gamins. Ouais. À mon avis, il devait y aller, quoi. Moi, je pense qu'il aimait les fessées aussi. Ah. Toi, tu le vois des soirées SM avec une petite tenue en cuir. Ouais, mais je pense que c'est trop cliché pour être vrai. Voilà, c'est ça, c'est qu'il a tellement été surmédiatisé qu'on finalement c'est pas drôle. Enfin, c'est moins intéressant de la développer que d'autres personnages, quoi. Retournons encore plus à gauche, bien au fond, bien profond dans la gauche, la lutte ouvrière. Lutte ouvrière, alors elle. Nathalie Arthaud. Arthaud. Pour le coup, là, c'est un peu mon ennemi. On l'avait oublié, tout le monde l'avait oublié. Ouais, oui, même sexuellement, on l'oublie, c'est ça le problème. C'est peut-être même ça le truc, c'est que finalement, tu l'as dans ton lit, mais tu t'en rends même pas compte. C'est ça qui est peut-être triste, en fait. Ouais. En fait, elle est dans ton lit, là. T'es en train d'écouter Radio 1, bah en fait, il y a Nathalie Arthaud dans ton lit. Elle est là, elle est elle pas là. Elle te fixe dans les yeux, mais toi, tu regardes ailleurs. Ouais, tu t'entends la jeune fille, là, qui est en train de... Ouais, tu te concentres sur la fille qui est derrière nous, en train de jouir. Nous, on aimerait la toucher, mais on touche, y'a rien. Mais après Nathalie Arthaud, limite, ça serait peut-être plus la seule dans tous les hommes, enfin les personnages politiques actuels à être actrice porno. Mais dans la catégorie porno français. Donc c'est souvent le cas d'actrices porno françaises, contrairement aux actrices porno américaines, ou qui sont surrefaites et compagnie, bon sans exagérer, mais les pin-up à la Pamela Anderson. Elle, je la vois bien, toi, un peu la Ovidie, la petite intello du porno, et elle aurait sa place en fait. Ouais. Moi, je verrais même des productions encore plus amatrices en porno, des trucs genre French Bukkake. Des trucs comme ça, je la vois bien se prendre un gros Bukkake. Dans les usines, avec les ouvriers, quoi, voilà. Pour le coup, au moins, elle garde en son... En bleu de travail. Donc finalement, voilà, elle est discrète, mais derrière, je suis sûr qu'il doit avoir un... Comment dire, elle doit avoir un bon répertoire, un bon CV d'activité sexuelle. Oui, on va à l'extrême droite direct. Allez, sur la taquelo. Transition. Et là, limite, c'est ce qui me plaît le plus là. C'est la marine. C'est en fait, on la voit comme un chien de garde. Bon, la digne représentative du père, l'éternel borgne français. Mais pour le coup, au lieu de la voir comme une nazie à se scarifier les bras et les nichons, oui. Je la verrais peut-être limite comme la plus sentimentale de toutes. La fille en fait qui a une éducation, qui a quand même, qui découle d'un père, enfin c'est quand même chaud d'être la fille de Jean-Marie Le Pen. Et je pense que limite dans tous les personnages politiques actuels, c'est peut-être celle qui est le plus en manque d'amour. Et ouais. Qui à mon avis doit être très très tendre avec son... Qui doit être love de son mari quoi. Voilà. C'est, ouais. Parce que dans les médias, dans toute les... la haine qu'elle dégage voilà. C'est une jour couverture. Après jour, c'est bien connu, les Mike Tyson, mais c'est le plus choubidou des mecs avec sa femme. C'est vrai, il adore Phil Collins. Quand on a vu comment elle voulait Joey Star, c'est pas pour rien. Donc Marine Le Pen, à mon avis. Hein. Ouais, Marine Le Pen, qui est peut-être également frustrée. Ça, c'est deux tendances qui se dégagent quand même de son voilà. Comportement. Soit elle dégage tellement d'amour dans sa famille, dans son couple. Qu'elle a de la haine à revendre, soit elle est frustrée, elle est mal baisée. Ouais. Et mais c'est le côté facile qu'on va vouloir lui mettre en étiquette. Toi. Ça c'est sûr. Comme tout comme Paris Sarkozy va bah voilà, quitte à remonter dessus. Sarkozy limite aura la même étiquette, le ouais, petit énervé. On le garde pour la fin. On le garde pour la fin. Avant celui-là, on va s'amuser avec celui qu'on sait pas situer, Nicolas Dupont-Aignan. Lui c'est dur. Là j'avoue je sèche parce que sans être engagé là-dessus, c'est déjà quelqu'un qui m'énerve énormément. J'ai l'impression qu'il est pas fidèle. Déjà. Ah oui. Lui c'est le genre à tromper sa femme. Ouais. Et à bien avoir des bons moyens pour le cacher. Tu réalises quand même que si notre radio est écoutée par au-dessus là, par les très grands, on est dans la merde quand même. Ouais, la liberté d'expression, on se la met où? Voilà. On se la met dans le cul, nous. C'est bien connu ça. Nous on se la met dans le cul. Chez Radio en vend du rêve. Et du cul. Ou plutôt on la sort de notre cul, la liberté d'expression. Mais là voilà, lui Dupont-Aignan c'est autre chose. Je trouve que t'as très très bien ciblé le personnage. Ouais. Le personnage un peu faux cul, qui trompe sa femme. Qui veut montrer, qui veut être genre la famille modèle, mais à côté avec et avec... en plus non oui là, on arrive à un bon point, la famille modèle, et en fait tout est pourri à l'intérieur. Voilà, là, c'est qu'une simple façade, et la pauvre femme qui a juste été baisée deux fois pour ses deux gosses et qui a jamais rien à côté. C'est une belle pomme toute rouge là, bien brillante, avec plein de verres qui se baladent à l'intérieur. Voilà. Immangeable. C'est une façade. C'est dégueu. Ensuite, ben, on se rapproche un peu plus de la droite, Monsieur Bayrou. François. Encore une fois, ça c'est le gros problème en fait, des hommes politiques surmédiatisés, c'est qu'on aura envie de suivre l'image qui est surtout des guignols et compagnie, donc on imagine le mec un peu teubé, qui a jamais eu de femme et compagnie. Mm-mm. Mais en même temps, je vais pas être pour sa défense parce que... Bah, je suis sûr qu'il y a moyen, il peut baiser pas mal, il a la bonne tchatch qu'il faut. Ouais. Enfin, je trouve que contrairement à Dupont-Aignan que tu sens maladroit et un peu too much dans sa façon de parler, Bayrou lui il dégage une sincérité assez folle. Il sait de quoi il parle, enfin il donne l'impression, enfin, il a vraiment beaucoup de confiance en soi. Et je suis sûr qu'il se tape plein de meufs quoi. Mais lui ça doit être sans. Facile envie. Sans envie de tirer de trait là-dessus, je suis sûr que ça doit être un des fantasmes de la quinquagénaire, enfin de la mère au foyer de 50 ans, par rapport à tous les autres finalement, parce que bon... Je pense qu'il a la politique, ce que Ken Blaster est au DJ. C'est-à-dire qu'il y a plein de filles qui veulent coucher avec lui, voilà. mais qui lui, il couche pas avec elle. Ouais, sans pour autant être un sexe symbole, comme il y a le petit côté homme abordable aussi physiquement, c'est pas non plus le boys band à lui tout seul, ou le... C'est peut-être une sorte de Justin Bieber de 40 balais, enfin même plus, de 50 balais, mais version fermier, agriculteur. Et ça doit plaire ça à la petite... La fermière d'amour. La fermière d'amour qui peut se caresser avec un Sarkozy. Par rapport à la taille. Ouais, par rapport à la taille. Un Sarkozy, je suis sûr qu'il y a ça doit exister des Sarkozy, genre des godes que tu mets debout et... La taille de Sarko en fait, taille réelle. Non, je sais pas, c'est une blague, c'est nul tout. Là on va se remmerder, là. On aura des gros problèmes. Mais... Et Sarkozy, ça c'est... Limite j'aurais envie de... C'est tellement la cible numéro 1 politiquement que j'aurais envie de le défendre pour essayer de le vendre sexuellement. Je suis sûr que limite ça doit être peut-être un des meilleurs coups de... au niveau des mecs en fait. Moi je pense que il doit pas demander mou. Je suis une meuf, on m'oblige à coucher avec un homme politique, il fera partie de mon top 3 je crois. Poutou, je sais, je me mets dans des situations complètement improbables. Hein, mais c'est le but de... Allez, voilà, Charlie, donne-moi ton top 3 politicien homme si tu étais une femme. Ou si tu étais un PD quoi. Ouais mais en même temps ça va avec les idées qui tu vois, oui, mais voilà. Je couche pas avec des mecs bon non, on a bien parlé de l'aura sexuelle, nous on est tout à fait d'accord. On couche suffisamment rarement avec des mecs pour bien les choisir quoi. Non mais ouais, par rapport à leur aura sexuelle, bah Mélenchon, parce que quoi qu'il en soit, il doit te masser et tout avant l'acte. Il a cette fougue et cette passion et il doit te chanter cette poésie. Il te chante du Jodassin au lit, Mélenchon. C'est merveilleux. Ensuite, Nathalie Arthaud. Parce que c'est une vie. en même temps, franchement, honnêtement, je dirais peut-être Marine Le Pen plutôt que Nathalie Arthaud. Parce que Marine Le Pen... Tu découvrirais des choses, ça. Ça peut être fun. Toi-même. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant sexuellement. Mais je mettrais pas Sarkozy, quoi. Je mettrais Bayrou, peut-être. Pourtant, j'ai pas me sens pas proche. Mais je trouve que il dégage un truc assez positif. Je souhaite que les auditeurs aient cette réflexion de juger la personne vue sur son aura sexuelle, oui. Ce qu'elle dégage, mais non pas en disant Sarko, c'est un fils de pute, néo-nazi, mais cool, machin. Non, Sarko, ça sent le sexe. Hollande, ça sent un peu le sexe. Ouais. Bayrou, Ils vont. Ouais, mais non, faut pas se baser sur ça pour voter. Hein. Non, mais non, on est bien d'accord. Parce que, non, mais Mélenchon. Radio en ne gère pas les élections présidentielles. En revanche, Mélenchon, il casse le truc comme quoi. On peut. Mélenchon peut, selon ma pensée profonde, signifie qu'on peut être sexy et président. Ouais. Sexy sans pour autant être. C'est Laura, c'est. Sans être vulgaire. C'est la classe, ouais, c'est le. Voilà. Je pense que Sébastien Tellier serait sûrement d'accord avec moi, peut-être. Oui. En tout cas, qu'un président se doit d'être sexy. D'ailleurs, Mélenchon est sûrement dans le clip. On voit sa bite un moment, je pense. C'est la bite de Mélenchon. Regardez le clip de Cochonville, extrait du nouvel album de Sébastien Tellier qui sort le 23. My God is blue. Mon Dieu est bleu. En espérant que c'est bien God G.O.D. C'était Sébastien Tellier, comme je vous l'ai dit, il y a un clip qui tourne, c'est Cochonville, c'est sûrement le clip du moment. Tout à fait. Merci Derek. <Ouais. rire> Tu qu'on nous as... on voit des couilles. On voit une bite, on voit des couilles. On voit la bite de Mélenchon dedans. Sinon, allez voter dimanche. Voilà tout ce que j'ai à dire. Rentrez chez vous dimanche, rentrez dans vos campagnes pour aller voter. C'est en fait le seul moment de l'année. Vous êtes obligé de rentrer chez vos parents pour aller voter. Donc profitez-en, allez manger avec maman, papa. Et allez voir vos grands-mères. Et allez au cimetière aussi. Oui. Voir votre grand-mère par exemple. Ouais. Par exemple. Niquer l'ambiance. Heureusement. En parlant de grand-mère, la musique derrière va être sympa. Heureusement que tu m'as préparé une belle photo que je vais pouvoir décrire tout de suite. Ouais, je voulais te faire un... En fait, non, je vais te trouver la meilleure pour la semaine prochaine, dans deux semaines. Et là, je vais te trouver une autre petite que je trouve un peu vieillotte, usée. Vieillotte, usée, en plus subtile, parce que je vois un mec là qui a l'air d'être sous cette femme. Allez, vas-y. Il est là le mec, mais il est là sans être là. Une jeune femme de 25-30 ans qui est debout face à un mur avec une poutre. Le mur, c'est du papier peint fleuri. Elle est de dos, mais visage de profil. Elle sourit, elle est joyeuse, elle transpire la joie, elle transpire l'amour, mais l'amour sexuel. Elle est en bas, visiblement pas de jartelle, fesses à l'air. Le garçon semble regarder entre ses cuisses. Les fesses sont rondes, rondes, rondes. Pas forcément très jolies, pas forcément très bien dessinées, mais un rond. Difficile quand même. Je suis difficile, mon cher. Mais elle est là et son cul est là aussi, quoi. Il est là, il transpire de joie aussi, comme son visage. Elle porte un haut noir. C'est relativement classique niveau vestimentaire. Mais tout aussi appétissant. Appétissant. T'as envie de manger avec cet homme au bras poilu comme un rugbyman. C'est beau. J'ai essayé de mettre de l'amour, de la passion, alors que j'avais jamais vu cette photo auparavant. J'ai écouté en revanche le nouvel album de nos préférés Death Grips. C'est une bombe atomique, accrochez-vous, on écoute tout de suite Hustle Pons. Deuxième morceau après Guillotine, passé il y a quelques semaines. On allait écouter Guillotine. Maintenant Hustle Pons, Hustle Pons. Oh, oh. Accrochez-vous à la voiture du sexe, accrochez-vous à la mort. Give a fuck what you heard, yeah, fuck what you heard. For this real shit, kick your whole crew to the curb. What, what, what, what? But you don't hear me though. Run up into the deck, that grandma's knees is falling out. They can drop what you know about robbery. Hustle bombs coming out my mouth. Hustle bombs coming out my mouth. Hustle bombs coming out my mouth. Hustle bombs coming out my mouth. Coming out my mouth. Bombs coming out my. Hustle bones coming out my man. Hustle bones coming out my. Coming out my man. Their eyes looking sharp, never not strapped. With a glove, gun, knock with it back. That knock a cop off unconscious. Marked off cocktail is out by my skin. That line of chalk round round the clock. Too many more drop to count the steel. Fuck on the fence, how does it feel? It don't make sense, nothing is. That rip you a new one trick on the truth. When it know me, never will, no fear. You lay on the fade out, so we'll cut the door ahead and run. Hustle bones coming out my man. Hustle bones coming out my. Hustle bones coming out my man. Hustle bones coming out my. Coming out my man. Hustle bones coming out my. Hustle bones coming out my man. Hustle bones coming out my. Coming out my man. That can with the blast blood stain up a brow. He's a fucked with a flavor. That X gone hard to the bone darkness. Then his own master the bush fall beyond. Beyond, beyond the law. Never fucked by the book. Give us all while I ride that fuck. Stuck a strength up into the sun. Like no hands make a dust. Well like man we can't lose. No shit, no shit. That hit it till it grip with the blood and the rod. Where it was for them but that one they went up. Next plane down. Stuck on the wind in a rest of one way. Only one real one. Yeah, what, yeah. Shit at the beast. Three spit. I'm a free beast. Hell flames in your brain, blood thirst. What, what? What, what? What, what? What, what? When it back, blood like run up into the deck, that grandma's knees is falling out. They can drop what you know about robbery. Hustle bones coming out my mouth. Hustle bones coming out my. Hustle bones coming out my mouth. Hustle bones coming out my. Hustle bones coming out my. Coming out my mouth. Hustle bones coming out my. Hustle bones coming out my man. Hustle bones coming out my. Criminal intent, anti-legal ill, deep in a knife, clear your life back, spin the wheel. Régine. Régine. Régine. Régine. Régine. Régine. Régine. Régine. Régine. Oh. Oh, oh, oh. Radio. Il allait s'endormir, mais je ne voulais pas le laisser en cet état, et je voulais le voir jouir. Je me suis mise sur lui, et j'ai collé ma chatte trempée contre son sexe. Je me suis accroché à ses tétons, et je les ai fait rouler entre mes doigts. J'ai senti sa queue gonfler sur ma chatte, et sans rien lui dire, je lui ai laissé échapper quelques gouttes de ma pluie dorée sur son sexe. Il bandait comme un taureau, une fois bien raide comme je le voulais. Je me suis mise sur le côté et j'ai pris son sexe dans ma main et son téton entre mes dents. Je l'ai branlé lentement avec un va-et-vient régulier en prenant soin de bien tirer vers le bas son prépuce pour le décaloter au maximum et faire gonfler de plus belle sa queue épaisse. Son gland était sur le point d'exploser tellement il était gros. Je le sentais gémir et couiner sous mes caresses. Il m'a dit que l'orgasme montait. Je lui ai demandé de venir éjaculer son sperme sur mes seins et mon ventre. Il s'est relevé et s'est mis à ma hauteur. J'ai tiraillé ses tétons des deux mains pendant qu'il se masturbait au-dessus de mon corps transpirant. De sa main libre, il me caressait la chatte car j'avais écarté les cuisses et je sentais monter aussi l'orgasme. Nous avons joui ensemble et mon ami a éjaculé une bonne quantité de sperme sur mon corps. J'adore être couverte de sperme, cela m'excite de savoir que je porte sa semence en moi et sur moi. Il s'est affalé contre moi et nous sommes endormis, collés l'un à l'autre jusqu'au petit matin. Il avait sa tête sur son sperme séché pour faire dodo. Régine. To all the girls, to my girls, to my girls. C'est vraiment beau. C'est doux. C'est angélique. Et phallique. C'est très phallique. Quand je pense à Jonzy, je pense à phallique. Phallus. Phallus Jonzy, tu vois, ça va bien ensemble. Jonzy, c'est le chanteur de Sigur Rós qu'on est en train d'écouter. Sigur Rós qui vont sortir au mois de mai le nouvel album qui s'appelle Valtari le 28 mai. Donc, fin mai, vraiment fin mai. Note à retenir. On a écouté Varul, je sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit avec des lettres islandaises. Sigur Rós, groupe que j'aime énormément, je les ai passés un peu maladroitement et je le regrette, je tiens à le dire. Mais C'était un essai, une tentative de mix en direct de RCV. Oui, mais c'est néanmoins un groupe que j'apprécie vraiment énormément. Ils ont sorti un deuxième documentaire, un live en fait, avec quelques mini extraits vraiment rigolos de avant à la radio et tout. Des trucs mignons, rigolos, qui viennent s'intercaler entre le live. Et le live est genre merveilleux, quoi. Mais après, faut le voir, à mon avis, avec un bon système son qui envoie... En même temps. Moi, j'ai failli pleurer à la fin, quoi. Qui n'aime pas Sigur Rós? On peut ne pas aimer, mais c'est vrai que ça touche énormément de monde. Moi, j'ai un très bon ami qui a vu au Main Square Radiohead et Sigur Rós. Il est fan de Radiohead, il a pas aimé Radiohead. Oui. Et à la base, il était pas giga fan de Sigur Rós et il a adoré Sigur Rós. Bon. Ça veut tout dire. Moi, il a pas passé sa soirée. Bah au moins, mais je pense qu'il a, il a pas payé, hein, il a pas payé. Faut jamais payer quand on va Men's Square. Sinon vous êtes vraiment le pire des imbéciles. On a un petit truc assez marrant, c'est le je n'ai jamais. En fait, voilà, on était censé le faire la semaine, enfin il y a deux semaines, je crois qu'on l'a chanté. Je crois qu'on a, on a oublié de le faire, on a peut-être oublié de le faire volontairement parce qu'il y avait Barbie qui était là et elle allait gagner. Ouais, c'est sûr. Donc on profite de son absence pour s'en faire un petit privé là, en, oui, entre mecs. Entre mecs, et ensuite, entre couilles, et entre ensuite, pénis. rebondir sur une, un petit projet pour les prochaines émissions. Oui, oui. Dans je commence mon je n'ai jamais. Et je n'ai jamais fait de naturisme. Pour rebondir sur Sigur Rós et leur dernière, dernier album là, avec la pochette, avec c'est, les c'est mecs qui courent c'est sur l'autoroute. Qui donne envie de, d'écouter nu au bord de plage. Ouais, ouais. Et moi, j'ai, il y a eu un moment, et c'était avant, de, avant justement qu'ils sortent cet album où ils sont tout nus. J'avais vraiment envie de faire du naturisme. J'avais envie d'aller un été, genre pendant deux semaines en Ardèche. Et genre avec, on, avec une tente et puis vivre nu pendant deux semaines en Ardèche. Ouais, je sais pas pourquoi mais je pensais à ça. Entre les chèvres. Bah clairement aussi en France le meilleur endroit c'est Ardèche quoi. C'est là où il y a l'espèce de rivière et il y a des. Je sais pas, ça me fait. Moi ça me fait penser un peu à cette scène dans Into the Wild où il, avec son canoë, il rencontre genre des Allemands. Retour à la nature. Il rencontre des Allemands tout nus quoi. Donc. Ça, ça ressemble un peu à ça l'Ardèche, non c'est... Oui, c'est rempli d'Allemands. Non, je viens de quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'on peut y vivre nu, mais en fait, si ça se trouve, je me trompe. Mais je crois que le principe du naturisme, ça, tu l'acquiers avec l'âge, surtout. Hein. Le fait de l'acceptation de ton corps, la, ouais, liberté sexuelle, que tu as tout petit, et que tu perds à l'adolescence. D'ailleurs, ça, ça serait super intéressant d'arriver à comprendre pourquoi, hormis le fait que tes parents t'obligent à t'habiller, mais parce que bon... Un gamin à 9 ans avec la bite à l'air, ça, ça fait un peu mal ça. Alors ouais, qu'à 2 ans, c'est mignon. Tout à fait, mais c'est parce que le corps évolue aussi. Ouais. On se rapproche, tu vois, plus on se rapproche de l'âge adulte, en tout cas, plus on se rapproche de la vingtaine, plus il faut un peu cacher son corps. Et après, que tu redécouvres après. Ouais. Parfois en soirée ou en festival, c'est le meilleur moyen d'avoir les filles complètement torchées qui se foutent les seins nus, bizarrement. C'est un appel au retour, aux sources. Ouais. Ouais, ça c'est l'alcool aussi. L'alcool aide beaucoup. Donc l'alcool est un retour à la simplicité du corps nu. Voilà. Est-ce que tu as déjà pratiqué le naturisme ? Non, mais je me tâte aussi énormément. Non, mais ouais, je pense qu'on devrait essayer. Moi, je pense que ce qui m'a freiné, ce qui a fait que je ne l'ai pas fait, c'est que j'étais tout seul dans mon trip. Et je pense que peut-être qu'en créant une petite émulation, quelques personnes qui font « Allez, on y va ensemble », mais mes anciens, mes parents étaient adeptes de genre de choses et ils me vendaient très très bien quoi. Sentir le vent entre les couilles, c'est ça, ça vend du rêve quoi. Ouais, puis tu penses à, enfin, tu prends pas la tête quoi. Je sais pas. Après, la nudité a ses côtés négatifs, voilà, aussi, je pense. C'est un peu ça déshumanise. Il y a quelque tout part. Complexe sur son corps, sur le fait d'être nu face à un autre mec quand t'es un mec. C'est ça. Tout est là. Mais je pense que si on faisait ça, tu vois, par exemple, toi et moi avec d'autres personnes, pendant genre deux jours, on serait mal, mais, ouais, mais en même temps, on serait pas si mal parce qu'on serait tous pareils, déjà. C'est comme les soirées, des soirées sous-vêtements, tout ça, tout le monde en sous-vêtements, bah, au final, c'est comme si tout le monde est habillé, c'est ça qui voilà, est assez marrant. Ou comme si t'es à la piscine. Ça, c'est le gros souci, c'est à chaque fois, une fille en sous-vêtements, on est vite choqué ou en mini-jupe, mais au final, tu vas à la mer ou à la piscine, t'as des filles qui sont encore beaucoup moins sapées que ça, quoi. Idem pour les mecs. Mais ouais, la situation fait que oui, non, une fille en soutien-gorge dans une école, c'est ça ne se fait pas, alors qu'on va à la piscine, elle sera comme ça. Quoi. Mais c'est normal, tu me diras. C'est normal. Bah, c'est, c'est les codes éthiques, c'est la société qui veut ça. Oh non, on va rechanger le monde, là. À ton tour, maintenant. Jamais quoi. Attends, j'ai perdu mon fil, en plus. Je n'ai jamais, et je crois que c'est un de mes projets que j'ai depuis pas mal de temps en tête, et sûrement peut-être un fantasme de jeune ado, après avoir eu une longue période de faisant de la natation, je n'ai jamais réussi à faire l'amour dans les vestiaires publics d'une piscine. Ouais. Et c'est quelque chose que je veux faire dans les plus brefs délais. Donc demain soir, si une demoiselle est présente à la piscine de Max dans moi. Max dans moi. Non mais c'est un truc en fait, le côté, encore une fois comme dans un cinéma, c'est le côté d'être caché, alors en sachant très bien, enfin de le faire dans une totale discrétion, en sachant que tu es totalement indiscret sur l'emplacement, ouais, et totalement visible. Et finalement personne ne va rien capter parce que personne n'y pense réellement. Enfin, voilà, personne va dire ils sont à deux dedans. Là. Ouais. C'est arrivé à viser soit les cabines où t'as des légères portes ou les cabines handicapées, c'est très bon plan. Ouais. En espérant que comme par hasard il n'y ait pas un mec en fauteuil qui se pointe au même moment et qui voit la quatre jambes en train de s'animer. Ouais, ça serait. Il flipperait un peu, je pense. Voilà. Il aura mais... un peu peur et il partirait. Ah, alors est-ce que je suis le seul à fantasmer en gros délire parce que j'ai bouffé de la piscine pendant des années, mais ou c'est aussi le côté d'arriver là-bas, t'es en slip de bain, t'as les pieds en maillot. Mais la piscine, c'est trop excitant la piscine. Voilà, ne pas avoir d'érection dans l'eau. Ou quand t'en as, t'en sors plus. Non mais ça va dans l'eau à la piscine. Moi j'ai pas trop de souvenirs d'érection, mais j'ai dû en avoir, mais je sais pas, l'eau est un peu froide, ce genre de voilà, trucs, ça calme un peu. Ouais. Ça calme. Mais, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est froide l'eau, sinon il mettrait de l'eau chaude évidemment. Voilà. Donc, là, voilà. Ça partirait en spa et en sauna, et on serait fini. Ah, bam. Donc voilà, c'est un peu un appel au secours de mon côté. Radio en réalisant tes rêves. Voilà. Et Radio en confesse également. Dans deux semaines. Dans deux semaines, avec nos invités de choix, on aura au moins deux invités, je pense, la semaine. Oui, dans c'est deux semaines. On se confessera et on racontera tout ce qu'on a fait pendant les deux semaines de sexuel. Je crois que donc, faut tout noter. Dans l'équipe de Han, on aura un prêtre qui sera là pour. Je ne connais plus l'expression. Nous abjurer de nos péchés. Et, et voilà, Radio Han sera là pour ça. Je suis pas suffisamment allé à l'église pour un enfant de cul. c'est merveilleux tout ça, mais j'ai une question là, tu préparais de la musique? Oui j'ai des petits sons aussi à te proposer. Mais j'avais du son limite à balancer, alors je sais pas si c'est trop tôt par rapport à différentes discussions que nous risquons d'avoir, si j'avais amené un petit Alain Apparat, vu que le week-end prochain c'est. Moi je pense que c'est le moment parfait en fait. Eh bien donne-moi quelque chose. C'est vrai qu'il va, oui. Et on peut parler d'Hélène Alien, elle va passer au magazine, un endroit où il y a beaucoup de jolies filles en fait. Les soirées qui marchent, enfin il suffit t'arrives, plein de jolies filles partout. Mais en fait, bizarrement, tu te sens pas spécialement excité, tu te dis ouais, plein de jolies filles, mais je suis pas spécialement excité. Ouais, il y a plein de jolies filles, mais je suis pas spécialement excité. Donc Hélène Alien, elle peut être sexy par moment, pas toujours. Apparat, lui, il est toujours sexy, toujours waouh. T'as envie de lui sauter dessus et de lui arracher son pantalon. Oh, Hélène Alien est magnifique. Ouais, pas tous les jours. Écoute cette voix. Tu as ça dans ton lit. J'ai cette voix dans mon lit, ben je bande. Voilà. Je bande alors qu'habituellement j'arrive pas à bander dans mon lit, c'est bizarre. et d'ailleurs, donc elle passe le week-end, c'est le 28 ou le 27 ou... C'est le samedi, pas samedi, c'est samedi d'après. 28. Pour fêter 28. Le premier tour des élections finalement. Ouais, voilà. Pour fêter la victoire de Mélenchon au premier tour. Non, Radio 1 ne s'engage pas politiquement. Votez Poutou. Ouais, non, Poutou. Pour fêter la défaite vaillante de Poutou. Mais on l'aime, voilà. C'est le principal, l'amour, c'est tout ce qui compte dans la vie. Et c'est une soirée un peu art.m, donc moi je n'irai pas. Pour des raisons que nous éviterons de mentionner. Des raisons politiques. Un gros bisou à Hélène Alien parce que j'aurais bien aimé te voir. Je lui ferai un bisou de ta part. Sur mes genoux, en jean Levi's, se trouve posée là, nonchalant, une boîte à l'intérieur de laquelle partouze une religieuse, une tartelette et un flan aux fruits. La première montée comme un château fort africain fait la fière. Une fraise coupée s'y est plantée, conséquente d'un squirt de la tartelette débraillée, retournée, et le flan timide, prostré dans un coin, pourrait être une poulette d'antan dans un bal qui a mal tourné. Par-dessus, un sac en toile comme un voile est là, négligeant tout. Dans ses profondeurs se trouvent des pièces de monnaie, des tickets de métro mouillés, quelques papiers invitant à des vernissages prout-prout et à des concerts guindés. Un porte-monnaie noir, en cuir, fourré de tickets de caisse datant d'au moins un mois. Des cartes en tout genre. Plusieurs billets qui additionnés font 120 ou 130 balles. Enfin, il y a, c'est plus marrant, une capote king size, sans marque, en double exemplaire. Dans ma tête, posée là, lascivement. Une graine me perce les tympans, avec la note mi sortant de la bouche d'une fillette. La moisson me donne envie de tirer sur mes cheveux et d'éplucher mon crâne comme si j'étais un épi de maïs. Des gosses se poursuivent, se chassent, hurlent et se frappent. La fille s'agrippe à mon genou et ma migraine m'ordonne de lui choper le poignet pour lui faire comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue dans mon espace. J'emmerde ceux qui pénètrent ma petite vie triste, même s'ils ont 4 ans, plus encore. Quand je sors de cet enfer, le ciel est bleu, même s'il fait nuit. Ma mère vit au bout d'une ruelle sans issue. Quand on y pénètre, d'un côté on a le mur haut de 4 mètres chevauché de barbelés, au-delà duquel doit se trouver une casse ou un crématorium. En face, les maisonnettes particulières sont plus mignonnes qu'ailleurs. Quand j'entre, une formidable odeur sans canaille sur mes poils de nez, un bisou sur la joue, un yo à mon frérot, et je pose mes affaires sous l'escalier. Attablé entre la salade et le pavé de saumon, on évoque mes recherches d'emploi. Je mens, tout est calme sauf la télé, le zapping, ça parle de sperme, on voit des nichons surfaits et je me sens mal à l'aise. Je me mets à songer à la poitrine minuscule, sa poitrine minuscule. Quand elle se penche en avant, le fin tissu blanc de sa tunique ne cache plus rien. Le printemps est là et tourne autour d'elle comme une chienne enragée. Couleur, l'amour est une ambulance néonisée. Et je lui tire dessus comme un forcené. Avec elle, je n'ai pas encore tiré mon coup. Je sais si on le fera jamais. Je ne sais si on le fera jamais. Son vagin inspire mes doigts et ma langue lui fait réclamer davantage. Mais moi je reste de marbre, froid comme une glace italienne. Je demande à chaque fois qu'elle voudrait me voir agir en homme. Maman m'attrape et m'extirpe de là en me reprochant d'être dans les vapes, de ne jamais écouter quand on me parle. Elle finit par poser la question de la drogue, je la regarde gravement, je pouffe. Mon petit frère lève la tête de son assiette, répond que je ne bois pas et que je suis une espèce d'exemple pour sa génération. Je ne me considère pas comme tel, si j'étais exemplaire je soulagerais les peines de ma copine, même si ça voudrait dire en lui infliger une autre, inconnue, nouvelle, créatrice de plaisir, sexuel et sexuel. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'on ressent lorsque l'hymen s'arrache, sentir ça contre mon gland. Forcer. Ce moment historique, ce souvenir. La forcer à me décrire chaque détail avant de tourner cette fois sa langue hors de sa bouche. Je suis déjà reparti. Maman m'a perdu de nouveau. Sous la table, dans la salle à manger, je suis plus tout à fait mou. Une semi-érection comme quand je me lève le matin. Car elle, pour une vierge, fait ça super bien. Je souhaite une bonne nuit à ma maman et à mon frère qui squattent le canapé dans une petite heure. Elle sera chez moi. Les rues sont désertes. Quelques mecs louches suffisamment mal fagotés m'épient. Me parlent, tentent d'entrer en contact, mais je ne comprends pas de traîtres mots de ce qui sort de leur bouche édentée. Je saisis un ticket humide, ça me dégoûte. Je le glisse, il ressort. Je dévale l'escalator. Je n'ai encore rien déclaré de ma vision du couple, c'est un idéal bafoué. C'est pour ça qu'en tombant sur cette rouquine, j'ai le tournis. Peut-être qu'elle n'est pas plus jolie, sûre que je ne sais rien d'elle, et qu'elle me trouve ni intrigant, ni plaisant. Je ne crois pas que je puisse attirer une fille au premier regard dans une station qui a la même odeur que les toilettes de mon école élémentaire. Je sens néanmoins ma bite qui s'arc-boute et je me mets de profil pour tenter de lui pondre des idées subliminales dans la cervelle. J'ai l'impression d'être un exhibe. Dans le fond, il n'y a que moi et elle et le gros mec tout transpirant qui mate les écrans de sécurité. Je repense que sur les photos, j'ai toujours un gros paquet. Je souris et je crois qu'elle me voit pour la première fois. Grimes, c'est mon gros coup de cœur de ces derniers temps. superbe album qu'elle a sorti, et le titre qu'on vient de s'écouter c'est Be A Body. Super clip aussi pour Oblivion, où elle se balade dans des stades en fait, enfin c'est marrant, et en même temps c'est un peu second degré, tu sais pas trop si c'est sérieux ou pas. Musicalement ça amène plein de trucs, autant des trucs un peu dream pop, on sent des influences R&B, des influences de l'électronique actuelle, chill wave et tout ça. Moi, y a pas mal de gens, par exemple M83, qui disent que l'avenir de la musique c'est justement des mélanges, mais finalement identifiés, enfin pas forcément qu'on arrive à identifier facilement, on n'arrive pas à dire ah ben tiens il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, mais au final tu sens que si ça vient de plein d'univers différents et l'artiste est intègre et fait son truc vraiment très sérieusement. Et quelque part c'est peut-être vraiment ça l'avenir de la musique, il a peut-être raison M83. Ah mais ouais, elle a parfaitement raison. Mais là ce groupe là pour le coup, moi je connaissais le nom. Ouais. J'ai jamais écouté tout ce qu'il faisait. C'est une meuf. Et c'est... Mais ces derniers temps en fait c'est marrant, j'ai l'impression que les filles ont pris leur revanche. Parce que je commençais, il y a eu une grosse période où je disais ouais les filles dans la musique, ouais c'est moyen souvent. Et ouais, Madonna... ces derniers temps je commence à accrocher sur pas mal de filles en fait. Grimes, Jazzy Wolf, beaucoup de cœur de ces derniers temps. Tu deviens aussi un garçon célibataire. Endurci. Endurci, donc tu commences à trouver l'amour à travers des groupes de musique. C'est un peu ça, ouais. C'est vrai que je deviens de plus en plus difficile avec les filles, et c'est peut-être en partie à cause de ce genre Mon de père meuf. A fait pareil avec Sheila dans les années 60. Voilà. En fait, ce genre de meuf rend les garçons difficiles parce qu'on a envie de filles géniales. Qui chantent bien. On veut plus uniquement des filles sexy, on veut des filles qui ont quelque chose qu'on admire, qu'on regarde de bas, qu'on vénère, qui nous regarde de haut, qu'on prie chaque soir avant de se coucher en pleurant. C'est beau. On en a envie. Les lubriques soirées du libertinage de Radio An-An, c'est maintenant. Lubrique du libertinage. Lubrique. Orgie et musique indépendante. Bah les orgies vous les faites vous-même. On vous donne les endroits, après à vous d'amener la sauce. Hein. Ouais, c'est bon. Vous venez en petite tenue, vous venez vachement habillé mais avec plein d'idées dans la tête. Vous venez comme vous êtes, vous venez indépendant surtout. Et avec des copines. Cultivez votre indépendance. RCV. RCV. Joli. Mais on a une belle fin de semaine qui approche. Tout à fait. Et avant la fin de la semaine, il y a le début de la semaine. Et on est lundi soir. Demain, c'est mardi. C'est vrai. Il y a Musicult. C'est Musicult à l'aéronef avec Hernadette. Ah, je te laisse vendre cette chose-là. Parce que j'en ai entendu parler. J'ai vu les affiches. J'y serai pas parce que demain, je vais être mort de fatigue. Je le sais déjà. C'est bien une comédie de air guitar. C'est ouais, c'est ça, une comédie de air guitar. Et ça se vend. Peut-être, ouais, et peut-être que je vais regretter de pas y être. Peut-être pas. Mais on va me raconter, plein de gens vont me raconter, donc je pense que ça me suffira. Tu peux facilement baiser quand t'es une star du air guitar. Je pense. Je pense que Gunther Love, même s'il mesure 1m20, je crois qu'il baisse pas mal. Mercredi et jusqu'au 24, un peu de cinéma, parce que le cinéma, bah, comme on l'a dit, c'est cool pour le sexe. Je vous conseille d'aller voir Okino Ciné à Lille 3, petit cinéma sympa. Bon, c'est dur d'avoir du sexe parce que c'est une espèce d'amphithéâtre, faut se mettre vachement sur le côté. Mais les fauteuils sont propres. Mais les fauteuils sont propres, mais en revanche, ils sont vachement serrés les uns aux autres. Donc ça aussi c'est un peu galère, mais si vous avez de longues jambes, c'est un peu chaud pour vous. Mais vraiment un film magistral à aller voir. Le nouveau film d'un cinéaste extrémiste assez génial qui s'appelle Guy Madin. Il est canadien et il a sorti il y a quelques mois un film qui s'appelle Ulysse, souviens-toi. Il est projeté cette semaine au Kino Ciné. J'ai maté la semaine passée au Kino Ciné son précédent chef-d'œuvre The Saddest Music in the World, un film incroyable. Sorti en 2003, mais t'as l'impression que c'est un film des années 30 en fait. Et vraiment c'est magistral et complètement surréaliste. Il y a une phrase énorme, c'est je vais la faire en version française, mais un homme et une femme, et l'homme il lui dit c'est le conducteur du bus ou du bâton, c'est pas ce que c'est, qui dit à la femme: vous êtes américaine? Et elle dit: non, je suis nymphomane. voilà, ça représente tout, c'est merveilleux. Donc The Saddest Music in the World, c'est un film qui parle d'un festival dans une ville au Canada. Ce festival, c'est pour découvrir la musique la plus triste du monde. Déjà, ça peut vendre du rêve. Ça met déjà l'ambiance. Et ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de musique triste dans le film. c'est bizarre. Mais une sacrée expérience. Et moi je crois pas mal en Ulysse. Donc le synopsis pour ceux qui doutent de la qualité de ce film à voir cette semaine. Ulysse Peak est un gangster égoïste, un mari violent et un père mal aimant. Après une longue absence, il rentre chez lui. Une maison qu'il ne reconnaît plus. Une maison hantée par les fantômes du passé. Ah. En parlant de fantômes, il y a aussi le nouveau film de Francis Ford Coppola. Oui, Twix, mais alors les critiques l'ont descendu, donc j'ose même pas m'aventurer dans les salles pour voir. Moi, je suis super pressé. Faut vraiment que j'aille voir. Critiquer du Francis Ford Coppola, faut faire attention. Il est peut-être mauvais, mais déjà la bande annonce, elle m'a vendu du rêve et moi j'ai foi. Puis c'est quoi déjà son nom? Val Kilmer. Putain, Kim Valmer, c'est pas mal comme nom de groupe. Ouais, ça. Kim Valmer. Voilà, un pseudo de porno, ça. C'est vrai. Ça se fait souvent d'avoir des acteurs. Kim Valmer, putain. Ah ouais. Kim Valmer, je le note. Mercredi, sinon, si vous n'êtes pas trop ciné, il y a Punkette Royale au Rouge, concert érotique, mais gentiment érotique. J'espère qu'il y aura de la meuf, comme pour tous les concerts tip-top. On y va un peu pour ça. Mais oui. N'disons pas le contraire. Vendredi 20, là ça devient, ça arrive le week-end. Étiquette de l'éthique. Oui. Avec Istropical en DJ set. Bon, pour commencer le week-end. Qui était passé à la cave il y a à peu près 2 ans, un mois et demi. Moi je fais l'hélicoptère avec mon pénis, hein. Tranquille. Oui. Voilà. Samedi 21, ça c'est grosse soirée. Alors, maxi soirée. Un petit before au Moog. Au Moog ou un before de before. Le before de before. Ça commence à quelle heure au Moog? Oh, on peut y aller dès 21h. Ah, et ben, pas moi alors. Parce que moi, à 21h, je vais où? Je vais à l'aéronef. Vas-y, pour Cabaret Freaks. Ah oui, il y a Schlagsmalsklubben. Il y a Digitalism. Et il y a Orbital, surtout, qu'on va écouter dans quelques instants, qui ont sorti un chouette dernier album, bon, Monkey. Il faut quand même casser la tirelire, mais la soirée peut être très très bonne. Si vous avez une tirelire. Mais si vous n'avez pas de tirelire, n'y allez pas. Et allez au Moog, vous allez dépenser 24€ en alcool. Mais bon, au moins vous serez bourré. Ah, c'est 3 bières au Mag. Là, tu te fais un concert à l'aéronef. Voilà. Je crois que le... Voilà, le ratio est très le bon. Le ratio est bon. Hein. Et d'ailleurs, après ce truc, donc 3h du mat, j'aurais pas le temps de passer au Moog, désolé. Désolé, mais en plus il y aura Jean du Rêve. Jean du Rêve qui est un bon pote et je pense qu'il doit avoir une bonne sélection. À 3h du mat, je prends un Vélil et je vais au Magazine Club pour masser au Plex. Voilà. Petit nouveau talent de la house moderne et contemporaine. Moi je pense que ça va être parfait pour rencontrer la fille de ma vie ce soir-là. Je crois que si je rencontre pas la fille de ma vie samedi prochain, c'est que t'auras fait tous les efforts. La fille de ma vie n'existe pas. Ah, du moins, elle n'est peut-être pas lilloise. Non, n'essaie pas de me rassurer. Mais si, Charlie. Dimanche, on va voter. On va voter. Et puis merde, on fait chier, mais on va voter. Mardi 24, on va voir Pharaos à la péniche. C'est anglais. C'est sympa. Ah, ça, je savais pas qui passait. Bon, voilà. Samedi 28. Merci pour l'info. Taiga Omaga. Avec Hélène Alien? Non. C'est pas la même soirée? Ah bah non, du coup Hélène Alien c'est pas le 28. On c'est le 27. On peut-être fait une pro qui tient même pas loin. Ouais. Moi j'ai entendu que c'était les deux le même soir ou les deux d'affilée. Enfin, non, ça me surprendrait quand même, c'est parce que soir, choper deux noms comme ça d'affilée. Ils pourraient le faire, ils ont plein de thunes. Mais ils le feront pas parce que ils vont se dire pourquoi on ferait en une soirée? Ce qu'on peut faire en deux soirées et multiplier par deux les bénéfices. Et juste pour revenir sur le week-end du 20, le week-end qui vient, s'il y en a qui sont véhiculés et qui veulent aller à Bruxelles, il y a Parat. Vu qu'on est dans le délire LNL. Voilà. Sait-on jamais sur un malentendu? Sur un putain de malentendu. Les malentendus, on aime ça. Et Dieu sait que sur Bruxelles, il peut y avoir des demoiselles intéressantes pour tout ça. Moi j'ai un ami qui est là-bas et qui me dit que c'est pas si folichon que ça par rapport à Lille. Mais qui dit jamais dit un jour. Et qui dit un jour dit jamais. Toujours. Ah. Qui dit un jour dit Orbital. Parce que Orbital ont sorti un album, il y a un titre qui s'appelle Never. Ah. Never, bon, on l'écoute tout de suite. Il est représentatif assez de l'album et il est de très bonne facture. Et puis c'est samedi à l'aéronef, Cabaret Freaks. C'est sur ce morceau que tu croiseras le regard d'une demoiselle. Le premier regard. Que tu n'oublieras plus. Qui te fera vibrer. Oh. orbital, ben, monstrueux. On y sera probablement tous les deux, si vous voulez du en petit couple. Si vous voulez voir les célébrités de en, s'il y a les autographes à la sortie, ça. Oh, ouais, Charlie, rencontrer Charlie. Vous Derex. maintenant tu peux m'appeler Kim Valmer. Kim. Alors là, on va y avoir droit, tu vas être référencé sur Intègre ça. Kim Valmer. Venez rencontrer Kim Valmer. D'ailleurs, pendant la chanson Never de Orbital, croisez le regard de Kim Valmer. Kim Valmer. Et vous serez la femme de sa vie. Bon, on vous embrasse en tout cas parce qu'on a passé 2 heures de sexe. Oui, parce qu'en plus on était nus. On a profité d'avoir aucune fille. Moi j'étais habillé mais j'avais le pénis la braguette ouverte et le pénis dehors. Ça servait d'ailleurs à faire évoluer le son. C'est pour ça que des fois le son évoluait un peu tout différemment. Et je tiens à dire que tout à l'heure j'ai lu un texte, on l'a pas présenté ni rien en fait. Et là il y a quoi, un quart d'heure, 20 minutes, j'ai lu un texte. Et ce texte sera dans le fanzine de An-An. Oui. Qui sortira pour le marché des modes à Roubaix. Donc allez au marché des modes du 11 au 13 mai et vous pourrez trouver au stand de Carlo Amen un petit fanzine avec des trucs vachement bien dedans et notamment ce texte normalement. Et des filles toutes nues. Et peut-être. Des garçons aussi. Ah j'ai hâte. C'est quand même la classe d'avoir une émission de radio qui a son propre magazine. Et ben, à part les grosses têtes. Pour l'instant c'est le magazine qui a son émission de radio. Voilà. Mais chaque chose en son temps, l'amour naît des cendres de la terre. Et quand tu auras TV en, alors là on sera arrivé au summum. En TV. Le porno gratuit pour tous. Ça va être génial. Ça va être génial. Je te vois rêveur là. Je regarde les astres. On va pas non plus voir niquer l'ambiance. On vous embrasse et on vous souhaite une excellente nuit. On vous dit dans 2 semaines avec des meufs. Oui. Et des chattes. Pendant Never là. Toutes les filles à l'aéronef vont se retourner en cherchant un brin ténébreux. Des petits tétons. Avec des petits. Des petits tétons qui nous regardent comme ça. Je vends du rêve pour toi. Salut, salut Derex. Salut Kim Valmer. Kim Valmer. Ouais. C'est trop bien le. Salut Kim Valmer. Bon, allez, on se quitte avec Mansfield Tia qui passe à Caveau Poète, c'est ça? Alors qui passe le 3 mai, donc je sais pas si on se sera revu d'ici là. On se sera revu. Est-ce qu'on se revoit le, si je ne m'abuse, ah on bah se oui, revoit le 1er mai. Le 1er mai dans la nuit en fait. Donc oui, on sera le 1er mai. le 30 mai, mais au final ça fera le 1er mai. Donc on aura l'occasion de la relancer, mais voilà, faut un peu prévoir parce que c'est assez spécial. C'est la meuf de Sexy Sushi. Voilà, et là bizarrement on voit les gens se dire ah tout compte fait c'est bien. On voit un peu quand même l'intérêt de la personne. Non, moi j'aime pas trop Sexy Sushi. Sexy Sushi. Voilà, et pourtant le nom vend du rêve pour en. Ouais. Ah, il y a Sexy. Il y a Sushi. Hein. Ouais. Dieu sait ce que tu peux faire avec des sushis. Ouais, puis mon collègue s'appelle Sushi. Et voilà. Et plein de filles trouvent sexy. Et bah, et ça coule tout seul ça. Ça coule de source. Et là, Mansfield Tia. Ça coule de Sushi. Mansfield Tia vous dit bonne nuit d'aller vous faire foutre. Mais ne pas aller vous pendre, même si le morceau donne envie. Aimez-vous les uns les autres. Prout. Vagin. Bonne nuit. C'est quoi le nom pour un prout de vagin? Ah, un pet de fouf. Non, il y a un terme genre. C'est pas un squirt, parce qu'un squirt c'est une éjaculation féminine. J'ai déjà eu des pets. Un squiff ou un truc comme ça, je crois. Là j'ai envie de demander aux auditeurs de nous envoyer un courrier. Ouais. Dans 2 semaines on essaiera de parler de prout de vagin. Je fais un article sur le pet de foufle dans 2 semaines. Y a plein d'étoiles. Radio. Le plafond. Si je m'allonge au sol, je me noie dans les sons. Les yeux de ma promise sont des cimetières, des cadavres en chemise courent dans ses artères. Les yeux de ma promise, des cadavres en chemise. Il n'y a pas d'étoiles sur le plafond. Si je m'allonge au sol, je me noie dans les sons. Votre tête est un tombeau, une cage à soucis. Puis-je vous ouvrir le crâne, ma chère amie? Votre tête est un tombeau, puis-je vous ouvrir le crâne? étoiles sur le plafond. Si je m'allonge au sol, je me noie dans les sons. Je vis dans un couloir qui n'a pas de tête. Les murs sont des armoires en allumettes. Je vis dans un couloir. Les murs sont des armoires. Il n'y a pas d'étoiles sur le plafond. Si je m'allonge au sol, je me noie dans les sons. Il n'y a pas d'étoiles sur le plafond. Si je m'allonge au sol,